Donc aujourd'hui, nous allons passer à une thématique particulière dans le cadre de ce cours qui porte sur les enjeux du numérique, mais dans le secteur spécifique des entreprises culturelles. Donc entreprises culturelles, en fait, ça signifie en gros tout ce qui relève donc des arts et de la culture, donc théâtre, musique, danse, cinéma, etc. Donc c'est un secteur d'activité sur lequel j'ai choisi de mettre un petit peu plus l'accent parce que les possibilités du numérique ont participé en fait à certaines façons de toucher les publics et d'essayer de les toucher de façon nouvelle. Et c'est aussi un secteur dans lequel les enjeux économiques sont très importants, dans lequel pour les artistes et artisans, il y a aussi des problématiques en fait de revenus réguliers qui sont importantes aussi. Et donc, pour ces problématiques-là, de, en gros, arriver à vivre de l'exercice de son art ou d'un emploi à temps plein dans la culture, bien pour cela, le numérique, justement, a contribué à trouver de nouvelles façons de faire et à permettre de nouvelles façons pour les artistes et artisans d'essayer de valoriser, en fait, et de rémunérer leur production culturelle. Donc, c'est un peu le pourquoi du choix de la thématique d'aujourd'hui. Alors, cette thématique, elle s'inscrit, en fait, dans deux phénomènes particuliers sur lesquels je voulais insister et qu'on a évoqué un petit peu en filigrane dans d'autres cours, mais sur lesquels je ne m'étais pas vraiment appesantie. Le premier, c'est que dans le numérique, il y a, comme vous le savez, donc tout ce qui est de l'ordre de l'interactivité, davantage de participation possible de la part des publics, davantage d'expression aussi, on est incité à donner son avis, à juger et à évaluer régulièrement ce qui nous est présenté sur les plateformes numériques. Et cela donne lieu, en fait, à une catégorie d'acteurs sociaux, ou à un phénomène, en tout cas, d'acteurs sociaux, que l'on appelle les consommateurs. Donc, ce concept-là, vous l'avez peut-être déjà trouvé, soit dans vos lectures, ou soit peut-être également hors de l'université, dans des articles que vous avez pu lire, ou des émissions que vous avez pu écouter. En fait, le principe, ou ce qu'on appelle un consommateur, ce qu'on vise en utilisant ce terme-là, c'est le fait que l'acteur social, grâce au numérique, a un pouvoir plus grand de pouvoir soit boycotter, c'est-à-dire de ne pas acheter quelque chose, de ne pas soutenir quelque chose, soit de boycotter plutôt, c'est-à-dire d'acheter autrement et d'acheter de façon ciblée. Donc en fait, d'avoir une influence plus grande sur ses choix d'achat. Alors, dans le secteur culturel, notamment, ce côté consommateur, en fait, on le retrouve notamment pour, dans le cas où, par exemple, une entreprise culturelle va choisir de mettre à l'affiche dans sa programmation une œuvre ou un artiste qui est polémique ou qui est controversé. Et ce qui va provoquer souvent en fait un débat dans le public et potentiellement permettre enfin, ou amener les abonnés notamment de l'entreprise culturelle, là je pense notamment au théâtre, mais ce qui peut amener les abonnés à menacer l'organisation en question d'arrêter leur abonnement ou de commencer une campagne en fait de dénigrement sur les médias sociaux. Cette capacité de pression, en fait, que le public peut avoir sur l'entreprise culturelle et sur ses choix de programmation notamment, c'est un élément de contexte, en fait, avec lequel les entreprises doivent négocier. C'est-à-dire que quand une entreprise culturelle choisit de produire un objet culturel, de le diffuser, de soutenir un artiste, toutes les prises de position que l'artiste va avoir sur la scène publique, toutes les implications, tout ce qui va être de l'ordre des valeurs, par exemple, que vont porter les produits culturels, vont potentiellement retomber de façon positive, mais aussi de façon négative, sur la réputation de l'entreprise. Et les retombées vont être d'autant plus grandes que le numérique va permettre donc aux abonnés, aux acheteurs potentiels, au public de façon générale, d'exprimer leur point de vue. Donc il va y avoir des traces plus grandes du contentement ou du mécontentement. Donc l'enjeu sur le plan des consommateurs pour les entreprises culturelles, c'est d'une part que donc ils peuvent s'exprimer de façon publique et laisser des traces, ce qui va en fait participer à augmenter ou faire baisser la bonne réputation d'une entreprise, mais potentiellement aussi ils peuvent arriver à faire pression sur des choix artistiques. Et ce côté consommateur, en fait, pour une entreprise culturelle, c'est aussi un défi de communication, parce qu'il faut savoir à l'avance qu'on aura potentiellement un débat ou un dialogue, s'il y a polémique, à mener avec ses publics. Donc en justifiant le choix artistique qu'on a fait, en défendant un artiste qu'on a engagé. Donc ça veut dire que c'est à anticiper en termes de risque de communication. Le deuxième élément de contexte dont doivent tenir compte les entreprises culturelles en termes de numérique, c'est ce que l'on appelle la capacité des acteurs à être des producers. Donc on est à la fois des, on est des utilisateurs du numérique, mais on peut à la fois aussi créer avec du numérique. Ce qui donne lieu à plusieurs phénomènes en fait, qui sont reliés à la promotion des entreprises culturelles. Le premier, c'est la capacité des publics à réagir en live à une production artistique à laquelle ils assistent. Donc ça veut dire aussi que là encore, il y a une multiplication, ou qu'il y a en tout cas une capacité plus grande des opinions à transiter et à occuper la scène publique en direct ou de façon très rapide. Ce qui fait en sorte que par exemple, si on prend le milieu théâtral comme cas, le travail qui était réalisé lors des avant-premières, qui permettait de roder un spectacle, qui était souvent réservé à des invités particuliers et qui permettait, en fait, en gros, à la troupe de se pratiquer sur la scène, puis à la première où on invitait les médias, qui avaient donc un accès privilégié, en fait, à la première version officielle de la pièce en public. Ce phénomène-là, en fait, de huis clos ou d'accès privilégié à une œuvre, il est en train, en fait, il est en train de changer, ou du moins, il a sérieusement été remis en question, puisque ce côté, en fait, de privilège ou accès privilégié, accès en primeur que l'on pouvait avoir donc à une œuvre en cours de rodage, maintenant se fait de façon beaucoup plus tôt, et qu'il y a de l'opinion sur ces créations en train de se faire, qui vont aussi occuper l'espace public beaucoup plus tôt qu'avant. Parce que auparavant, donc ce système par exemple d'avant-première et de première permettait à une équipe de se roder, puis après ça on ouvrait la scène, enfin l'espace de représentation au grand public, qui après ça pouvait donner son opinion par le bouche à oreille, dans un courrier de lecteur ou dans un sondage qu'on allait donner. Mais maintenant, en fait, tout se fait en parallèle, y compris le fait que les médias invités et que les participants ou les invités aussi aux avant-premières vont diffuser des images qu'ils ont prises en coulisses, puisque s'ils avaient été invités aux avant-premières, c'est qu'ils ont des contacts à l'intérieur, soit de la troupe, soit de l'institution en fait, théâtrale, et que donc il y a des moments qui jusque-là étaient vraiment cachés du public, qui vont apparaître dans l'espace public numérique. Donc, d'une part, il y a cette ouverture plus grande de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise culturelle. Ouverture parce que ce qui se passe en interne va être documenté sur la scène numérique, donc en externe, et potentiellement plus visible. C'est ce qui en fait aussi un intérêt de promotion, mais c'est un peu à double tranchant. L'autre côté du live, c'est que ça va permettre, et alors là, je change d'exemples, mais ça va permettre aussi aux productions culturelles d'être commentées en direct. C'est le cas notamment des émissions télé, où on va justement inciter les téléspectateurs à réagir sur notamment Twitter, mais aussi sur Instagram, à la diffusion en direct de l'émission. Et ça, c'est clairement dans l'objectif de promouvoir le produit culturel en tant que tel. Donc il faut qu'il occupe la scène publique pour, en fait, en gros, bénéficier d'une publicité qui est pratiquement gratuite, puisqu'en fin de compte, ce sont les internautes qui vont permettre de maximiser, en fait, la publicité, la promotion du produit culturel en question. Donc ça, c'est ce qui concerne la capacité, en fait, d'action live des publics qui vont donc, en fait, participer quelque part à la promotion directement de produits culturels. Et par ailleurs, le côté producer, on le retrouve aussi beaucoup du côté des artisans et des artistes eux-mêmes, qui vont être appelés, comme le texte que vous avez à lire pour aujourd'hui le mentionnait, à s'auto-promouvoir. Donc, les créateurs, en fait, vont devoir maîtriser ou être amenés à développer des compétences de communication, des compétences de relations publiques, en fait, pour mettre en valeur leur production, leur travail, et en fait aussi pour publiciser leur portfolio artistique. Donc le numérique, c'est à la fois un excellent outil pour cela, mais ça veut dire qu'il y a aussi une compétence ou un savoir-faire supplémentaire qu'on attend de la part des artistes ou des artisans. Donc quand je parle artisans, je veux aussi parler des, par exemple, toutes les personnes qui vont tourner autour du plus de l'aspect technique, y compris costumes, photos, éclairage, etc., mais qui vont participer à la production d'une œuvre ou d'un spectacle. Et donc, on va attendre de leur part qu'ils participent à la large promotion du produit culturel qui accède donc au public. Ce qui veut dire aussi que dans les plans de communication d'une entreprise culturelle, on inclut désormais la participation active des artistes et artisans dans le processus de promotion. Donc ça va de soi qu'au-delà de la participation à des interviews, par exemple, ou à des relations médias qu'on va organiser, on s'attend à ce que les artistes se prennent en selfie de temps en temps dans la loge, qu'il y ait des photos de répétition qui soient prises. On ne s'attend pas à ce que tout circule dans tous les sens sur les budgets, les négociations, etc. Mais par contre, à ce qu'il y ait donc cette volonté de mettre sur l'espace numérique des petits bouts qui jusque-là faisaient partie, en fait, donc d'un fonctionnement interne de l'entreprise. Donc ce qui fait à la fois que donc, les artistes et artisans sont considérés aussi comme des producers parce qu'ils sont utilisateurs du web, mais on leur demande aussi, en tant que non-professionnels, de s'en servir pour produire quelque chose en lien avec leur travail. Le deuxième aspect sur lequel je voulais insister, c'est la transformation des gatekeepers et le lien, l'influence que ça a dans le milieu culturel. On a déjà parlé du gatekeeping, de l'évolution du gatekeeping à la faveur du numérique. En particulier, si vous vous rappelez, en fait, c'était le phénomène selon lequel les journalistes qui auparavant étaient principalement ces gatekeepers, c'est-à-dire ces portiers de l'information, qui vont décider de quel est le type d'information qui mérite d'être diffusée, d'être médiatisée, et quel est le type d'information qui n'a pas vraiment un grand intérêt à être publicisée, enfin diffusée, ils ne sont plus les seuls à décider de cette médiatisation ou pas. Donc le choix, en fait, de médiatiser une information est maintenant réparti ou est accordé et possible pour d'autres types de personnes que les seuls journalistes, que les seuls professionnels de l'information. Donc dans le milieu, donc ce phénomène-là de gatekeeping et d'évolution, en fait, du gatekeeping, on le retrouve dans le milieu culturel, notamment sur le type de production culturelle ou de création culturelle qui sont médiatisées, en particulier sur le numérique. Alors, de fait, là je vous ai mis quelques exemples, mais auparavant, on trouvait un nombre de contenus limité, nombre de contenus culturels limité, et quand je dis avant, c'est avant le développement du numérique et donc Internet, etc., mais aussi des médias sociaux en particulier, et aussi des plateformes de partage, notamment consacrées en particulier à la musique, par exemple. Mais les contenus ont été réduits ou limités par les sélections effectuées par les éditeurs. Donc, les éditeurs, c'est-à-dire les professionnels de l'édition culturelle. Donc, ici, on peut parler, vous pouvez prendre le mot éditeur dans un sens plus large que juste édition de livres, mais qui était aussi, par exemple, production de musique ou autre, qui faisait que les maisons de production professionnelles dans le milieu culturel étaient celles qui décidaient de ce qui allait être diffusé auprès du public ou pas. Et ensuite, on assistait à une hiérarchisation des productions ou des produits culturels par les médias spécialisés, qui faisait que, par exemple, on allait lire un magazine consacré à la musique ou au cinéma, et que selon les sorties musicales ou de films, il y allait avoir un classement sur ça on a mis 3 étoiles, ça on a mis 2 étoiles, ça c'est l'album incontournable du mois, ça c'est vraiment à ne pas écouter, à éviter, etc., etc. Donc en fait, c'était les médias spécialisés et notamment les critiques culturelles qui hiérarchisaient la valeur des produits culturels. Donc ce qui voulait dire aussi que pour les entreprises, et ici je parle d'entreprise culturelle, on avait comme préoccupation de convaincre ces médias spécialisés de la valeur du produit qu'on diffusait. Aujourd'hui, et là donc c'est aujourd'hui un peu large aussi, mais donc dans la réalité de l'offre numérique et des capacités du numérique, ce qui change, c'est que premièrement il y a une profusion de contenu, puisque la capacité à produire, à diffuser des contenus culturels n'est plus seulement accessible, n'est plus seulement réservée aux professionnels de la production culturelle, donc aux seuls éditeurs, aux seules compagnies de disques, etc. Ça va? Est-ce que je vais trop vite? Bon. Ok. Un petit peu. Bon, on va avoir des minutes un peu plus de pause, je ne vais pas faire que parler tout le temps. Donc cette profusion de contenu qui vient du fait que les professionnels de la production culturelle ne sont plus les seuls capables de diffuser ou de médiatiser des produits culturels. Cette profusion, donc, elle a aussi augmenté ou elle a été permise aussi par l'apparition de différentes plateformes de partage ou de mise en accès, en fait, de contenus, notamment musicaux, style YouTube, Spotify, SoundCloud, bref, tout ce type de plateformes-là qui font que tout un chacun a pu aller récupérer divers contenus de production et les rebalancer ou les rendre accessibles donc, via ces plateformes. Donc ça, on a pu récupérer de la production et la rediffuser, mais on a également aussi pu créer soi-même des contenus que l'on pouvait mettre en ligne. Exemple des chaînes YouTube qui sont devenues d'ailleurs quasiment professionnelles pour certains de leurs utilisateurs. Donc ça, c'est le premier aspect sur la transformation du gatekeeping par rapport aux entreprises culturelles. C'est donc cette capacité à diffuser, mais aussi à produire des contenus. Le deuxième changement, c'est que la hiérarchisation, donc le classement en fait, de la valeur des produits culturels, qui jusque-là était plutôt réservé ou associé aux critiques professionnelles de la culture, critiques artistiques, et donc aux médias spécialisés, cette hiérarchisation-là, en fait, elle a aussi changé de critère. Puisque aujourd'hui, les classements que l'on va trouver, notamment des produits culturels, ils vont se faire sur des critères quantitatifs. Pas seulement sur ces critères quantitatifs, les médias spécialisés existent toujours, vous pouvez toujours lire Télérama, Les Inrocks ou tout autre magazine ou production médiatique de critique culturelle, Mais par contre, dans les classements que vous trouvez de plus en plus, et notamment sur ce type de plateforme-là, ce qu'on va utiliser pour classer en termes de valeur et de hiérarchie des productions, c'est le nombre de clics, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de j'aime. Donc c'est essentiellement la quantité en fait et la visibilité des produits qui va être utilisée. Et ces classements-là, ils vont se faire par des algorithmes et non plus par des critiques humains de la production culturelle. Donc il y a une automatisation aussi qui se fait des classements. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait de la promotion de produits culturels, on a aussi à jouer avec avec cet environnement critique qui a changé et qui est composé maintenant à la fois de gens qui fonctionnent sur une critique de façon traditionnelle, journalistes culturels par exemple, ou blogueurs culturels autoproclamés journalistes parfois, et donc qui vont plutôt juger d'un point de vue qualitatif les œuvres, ou récupérer le communiqué de presse et l'utiliser pour participer à la promotion de façon plus ou moins transparente. On va également trouver cette évaluation plutôt quantitative qui se fait de façon automatique sur des plateformes numériques et qui d'un côté ont l'avantage de permettre une meilleure visibilité en fait de produits et de le faire à moindre coût, mais qui d'un autre côté ont aussi l'inconvénient ou la limite de mettre en visibilité seulement sur la base du nombre. Donc c'est ce qu'on va retrouver aussi par exemple sur des opérations de crowdfunding dont on va parler un petit peu plus tard, mais c'est que cette capacité à mobiliser un certain nombre va faire en sorte que ça va être un gage quasiment de, même pas de qualité, mais de visibilité qui elle, la visibilité rapporte en termes de hiérarchie, donc en termes de valeur et de capital en fait numérique. Donc on va trouver deux types en fait de stratégies économiques, notamment dans l'exemple de la musique, qui vont être associés à cette utilisation des plateformes. Donc, en gros, ça reprend ça joue vraiment sur des principes marketing que vous avez certainement vus dans d'autres cours, sur donc, soit le push ou le pull, donc, dans quelle mesure on donne, c'est le consommateur qui va venir de lui-même, dans quelle mesure on va au contraire l'inciter à acheter ce qu'on lui mais sous les yeux. Mais vous avez donc d'un côté des plateformes telles que Spotify qui vont utiliser la stratégie du push. C'est-à-dire que le consommateur va devoir payer pour avoir accès. Donc ici, on va par exemple promouvoir un album ou promouvoir un film ou du contenu audiovisuel auprès du public, pour inciter le public à venir cliquer pour payer, pour avoir l'accès en fait à la production. De notre côté, vous avez des plateformes comme SoundCloud qui vont, elles, utiliser la stratégie du pool et où là, en fait, c'est l'artiste qui va payer pour être visible. Donc le public a accès gratuitement, mais l'artiste, lui, paye pour avoir de la visibilité. Donc on offre gratuitement au public, le public ne paye pas, mais l'artiste qui est visible, lui, va payer. Est-ce que vous avez une question ? D'une certaine manière, oui, mais dans le sens où... en fait, ici, à partir du moment où c'est relié à un système payant commercial, qui est le fait que si vous voulez avoir un accès pour ensuite conserver de la musique, par exemple, ou pouvoir en bénéficier de façon régulière, vous avez un système de paiement ou d'abonnement qui va faire en sorte que vous devez donner quelque chose, en fait. De façon illimitée ? sans être abonné. Oui, mais voilà, c'est, oui, c'est ça. Ça vous dérange pas d'avoir les publicités vous les, enfin, vous attendez qu'elles passent. Ok, d'accord. Bon, alors. C'est bon. En deux musiques, c'est beau mieux. Oui, oui, oui. Mais sur ce système-là, on le classe quand même dans le push sur l'aspect en fait que vous avez cette opération commerciale qui vous est forcément proposée en fait. Vous avez à, dans ce sens-là, en plus de fournir de l'information sur vous, en tant qu'utilisateur, vous avez après ça à avoir un autre produit que seulement celui pour lequel vous veniez sur la plateforme. Donc c'est dans ce sens-là où on va classer cette plateforme-là dans le push. Mais sur le côté pool, en fait, c'est un accès où là, par contre, qui est sans contrepartie, en fait, ou sans autre produit ajouté, pour être plus exact. Et où, par contre, c'est le producteur lui-même qui donc va devoir payer auprès de la plateforme pour être mis en visibilité. Donc, ce qui est donné à la plateforme ne vient pas, en fait, en gros, du même côté, si on veut être plus exact sur les dynamiques. En fait, ces exemples-là, ce qu'ils mettent en lumière, c'est l'idée de l'accessibilité ou de l'accès que l'on va donner à des produits culturels et du choix que vont devoir faire les artistes ou les producteurs de participer d'une façon ou d'une autre à en fait un système ou à des problématiques économiques de qui va donner l'argent pour occuper de l'espace et est-ce qu'on va choisir de laisser nos produits culturels accessibles sans avoir de revenus ou est-ce qu'on va utiliser nos produits pour essayer d'avoir une rémunération, essayer d'avoir, de compenser en fait l'investissement qu'on a fait pour les produire. Alors, le choix de l'open access, il peut dépendre de plusieurs facteurs, mais il va dépendre aussi souvent de la taille de l'organisation culturelle et du budget dont elle dispose déjà. Ici, je vous ai mis un exemple qui est celui du Met, donc le Metropolitan Museum of New York, qui a en fait qui régulièrement fait de nouvelles actions dans le sens d'une utilisation en fait du digital de plus en plus importante. Et le musée a décidé depuis une dizaine d'années de vraiment prendre un virage numérique en mettant en ligne en fait toute sa collection, en y donnant un accès gratuit, mais aussi en permettant l'utilisation en fait des œuvres en ligne de façon ouverte et gratuite. Donc, les œuvres sont disponibles sur Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est peut-être une plateforme que vous avez déjà utilisée pour aller chercher du visuel. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ça? Oui. Donc, en fait, toute la collection du Met a été transférée et est inscrite, fait partie en fait, de Creative Commons. C'est-à-dire que ça vous permet, si vous voulez illustrer une production de votre que vous êtes en train de réaliser, d'aller chercher les visuels de la collection et de pouvoir les utiliser gratuitement. Ce qui est un choix pour les musées qui est une question en fait récurrente. Est-ce qu'on choisit de donner un accès très large à notre collection ou est-ce que, et donc à ce moment-là, ben, c'est aussi le risque que, vu que tout le monde a accès à ce qu'on a et peut les voir, peut-être que ça les motivera moins à venir sur place vraiment voir les œuvres, ou on fait le raisonnement inverse, c'est celui qu'a fait le Met, en se disant que plus on partage ce qu'on a en fait à proposer comme offre culturelle, plus on incite potentiellement les gens à avoir une motivation de plus pour venir nous voir. Donc eux, leur pari, c'est que l'accès aux productions culturelles en ligne va susciter une présence physique hors ligne. Et ce n'est pas toujours ce raisonnement-là qui est suivi en fait selon les entreprises culturelles, parce que là encore, mais c'est sûr que quand on est le maître, on a un budget et on a un bassin d'abonnés et un bassin de public qui est tout autre que si on est un musée régional avec certains produits, enfin, c'est-à-dire des tableaux ou des artefacts de la région qui sont originaux, mais qui ne sont peut-être pas très nombreux, et qui, en gros, si on les met en ligne, les personnes ne voient pas trop l'intérêt de venir en plus physiquement pour les voir. Donc il y a des choix stratégiques à faire qui sont différents. Il y a aussi dans le cas du MET la volonté de vraiment utiliser le numérique pour renforcer sa mission pédagogique sur les arts et la conception de la pédagogie en fait artistique, donc d'initier un maximum de personnes à la connaissance des arts en faisant sortir le musée de ses salles. Donc c'est vraiment ce côté de le musée, c'est plus seulement le lieu physique et où la salle de spectacle, ou le théâtre, c'est plus seulement la salle de spectacle. C'est, il faut faire sortir la production qui jusque-là, la collection qui était jusque-là entre quatre murs, dans un lieu physique, il faut la faire sortir, il faut faire en sorte que l'événement culturel, il se passe aussi ailleurs. Donc, la logique ici, c'est vraiment d'ouvrir les lieux culturels. Ça ne veut pas dire de les enlever, de les supprimer, ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur valeur, mais l'un des raisonnements, en fait, qui a été suivi après les différentes tentatives menées dans le milieu culturel, c'est de se dire que pour attirer les gens vers une expérience physique qui est que je vais prendre de mon temps, qui est déjà très occupé, dans la semaine ou dans le week-end, pour venir m'asseoir deux heures dans une salle. Mais pour les inciter à faire ça, il faut en gros leur avoir offert une plus-value en ligne auparavant. Et donc il faut penser de façon complètement autre, en fin de compte, les espaces culturels. Donc je vous l'ai déjà dit, ouvrir aussi les coulisses, tout ce qui va être de l'ordre de photos prises en répétition, d'interviews d'acteurs sur le tournage d'un film, de prises de photos pendant un repas à la pause, de rencontres avec des fans, tout ce qui va être de cet ordre-là, en fait, qui d'habitude était plutôt réservé en fait, aux journalistes culturels, qui avaient accès à ces petits lieux et qui pouvaient donner des anecdotes après ça dans leurs critiques. Mais tout ça, maintenant, il faut la tendance, c'est plutôt donc, de le partager directement avec le grand public. Et une des expériences qui a été menée dans ce sens-là, au sens d'ouvrir les coulisses et de sortir du lieu physique d'une institution culturelle, c'est notamment ce qui a été fait à l'Opéra de Paris il y a deux ans, quand Benjamin Millepied avait pris la direction artistique. Benjamin Millepied, oui. Qui avait donc chorégraphié les passages pour Black Swan, donc avait pris la direction artistique. Il arrivait des États-Unis. L'un de ses objectifs, en fait, c'était un peu de dépoussiérer l'image de l'Opéra de Paris, et c'est pour ça qu'il avait été engagé aussi sur le coup. Et l'une de ses premières tentatives, ça a été d'utiliser justement le web et les capacités numériques pour essayer de toucher un autre public et aussi pour donner une image de l'institution culturelle beaucoup plus internationale. Donc il y avait le côté de objectif de communication, on veut rajeunir le public, on veut en tout cas toucher aussi du public jeune et on veut permettre qu'il y ait un accès aux productions de l'opéra beaucoup plus international. Donc il y avait un peu ce côté de on casse l'accès élitiste, en fait, à l'institution culturelle. Ce qu'il faut voir, c'est que, autant sur le plan de l'accessibilité, il y a ce côté de, on donne accès gratuitement, et donc, on perd peut-être de l'argent, mais, comme je le disais auparavant, on peut faire le pari aussi qu'on donne accès gratuitement, mais ça va peut-être nous ramener du public en plus. Mais un autre aspect, c'est que on donne accès à plus de monde. Est-ce que ça va faire perdre du prestige? Parce que justement, on va sortir d'une certaine élite ou d'un certain de l'image, en fait, d'un lieu un peu privilégié qui faisait que ben, quand on va à l'Opéra de Paris pour une soirée, on prépare ça d'une certaine façon, on s'habille d'une certaine façon, etc., etc. Or là, en fait, le pari, c'était de casser ça pour faire de l'opéra, enfin, pour donner à l'opéra une image beaucoup plus créative, contemporaine et en jouant notamment sur la capacité d'innovation numérique. Donc je vais arrêter le blabla quelques secondes pour, et minutes même, pour vous montrer justement un exemple de ce qui a été fait. Cette opération donc de création numérique, elle s'est traduite à travers une plateforme qui s'appelle Troisième Scène, qui a donc été mise en ligne et qui reposait sur un manifeste que, voilà, que vous voyez ici. Est-ce que vous arrivez à discerner suffisamment le texte? Ok, donc le postulat duquel partait cette plateforme, c'était donc de partir du principe qu'Internet est une place publique, un lieu collectif de rencontre, de prise de parole et de création. Donc là, petit laïus historique, après le Palais Garnier en 1875 et l'Opéra Bastille en 1989, c'est sur ces terres-là, celles du digital, que l'Opéra National de Paris a décidé de bâtir sa troisième scène. Dans ce nouvel espace, l'Opéra National de Paris veut poursuivre le dialogue avec son public et trouver de nouveaux interlocuteurs. Ce n'est pas de nouveaux publics, c'est interlocuteurs, vous remarquerez, interactivité, etc. On joue sur les codes du numérique. Les spectateurs de la troisième scène habitent l'ensemble du globe, parlent toutes les langues, aiment l'art sous toutes ses formes. Alors, on est dans un vocabulaire complètement opposé, en fait, à ce qui était pour l'instant les codes promotionnels de l'opéra. À partir du 15 septembre 2015, la troisième scène s'ouvre en grand aux plasticiens, cinéastes, compositeurs, photographes, chorégraphes, écrivains et les invite à venir créer des œuvres originales liées à l'Opéra National de Paris. Donc l'objectif, c'était qu'au-delà des créations culturelles qui sont faites à l'intérieur de l'institution culturelle, programmation régulière, il y avait donc des artistes invités pour créer spécifiquement sur la plateforme. Donc la plateforme ne servait pas à reproduire ou à documenter en fait ce qui se faisait déjà à l'opéra, ça servait vraiment de nouveaux lieux complémentaires de production et de création. Ce lien entre l'opéra et les œuvres réalisées peut être franc, solide, subliminal, étiré, allongé, voire distendu. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. C'est subliminal certainement. Mais nous souhaitons avant toute autre chose que les artistes s'emparent de l'opéra. Donc là, si on voit aussi qu'il y a ce côté de, on sort des lieux et on donne en fait, il faut que l'institution soit accessible aux artisans directement, aux producers. C'est vraiment, ça joue vraiment sur cette dimension-là. Puise dans ses ressources, parcourt ses murs, rencontre ses talents pour en faire découvrir les lieux, les couleurs, l'histoire, les questions et les personnes à travers la création. Donc c'était un projet fort ambitieux. Qui a bien fonctionné sur le plan de la communication parce qu'il a été, il a été très bien promu, premièrement, et il a été très commenté médiatiquement. L'autre point qui a bien fonctionné, c'est que l'équipe en fait, mise en place à la communication a choisi d'aller inviter des artistes qui, traditionnellement, ne sont pas du tout associés à l'institution de l'opéra. Et notamment, l'un des artistes, donc ça c'est la troisième scène, qu'on peut la voir. Donc, comme le signalait le manifeste, il y a tous les arts sont représentés. Et l'idée, donc, c'était d'avoir des créations originales et adaptées au format web. Donc ici, ce que je vais vous montrer, voilà, c'est exactement ça, c'est que vous avez par exemple Abdelmalik qui a été invité à tourner l'adaptation d'Othello. C'est pas forcément le chanteur qu'on s'attendait à voir invité pour réaliser un opéra en tant que tel, et c'est pas non plus nécessairement l'artiste auquel on associe le public, ou en tout cas une bonne partie du public et des abonnés de l'Opéra de Paris. je vais vous montrer, en fait, on va pas, ça dure une douzaine de minutes, donc on va peut-être pas voir la vidéo en entier, mais je vais vous montrer au moins une bonne partie du contenu, parce que ce que je veux que vous voyez, c'est, bon, c'est l'Opéra de Paris, donc bien sûr, il y a des moyens importants derrière la qualité esthétique de l'œuvre en question, mais dans le choix du scénario, de la façon dont on sort de l'institution, il y a vraiment, et oui, la publicité pour Othello en tant que tel, mais c'est surtout l'image de l'institution en elle-même qu'on essaye de changer. Alors, we'll be right back. Ok, alors par rapport aux objectifs, par rapport aux objectifs dont je vous parlais de sortir, sortir du lieu en fait physique de l'institution, d'après vous, hein, qu'est-ce qui dans ce dans cette expérience artistique permet de rejoindre cet objectif ou en quoi il cherche à le faire? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres oui, réactions? Est-ce que les codes visuels et tout ce qui est rattaché n'est pas. Se détache justement du cadre qu'on retrouve à l'opéra où on a quelque chose de plus, beaucoup plus fixe, beaucoup plus statique. Là où dans la vidéo on a des choses un peu plus mouvantes, c'est lié au format, je suppose. Et du coup, je me demande dans quelle mesure c'est vraiment. Comment ça peut rajeunir le public de l'opéra? Étant donné que quelque part on vend quelque chose qu'on ne verra pas par la suite, puisque même s'il y a des opéras qui sont très jeunes et très contemporains, le format reste le même. Et donc, si à travers les vidéos on nous vend quelque chose et on allait voir la pièce, je ne pense pas que les jeunes auront la même impression qu'en regardant les vidéos ou la même émotion du moins. Il y a des réactions ici, puis là, oui. Je crois qu'ils veulent ouvrir l'opéra à la rue et désacraliser ces lieux en ouvrant la porte à monsieur tout le monde, qui ce n'est plus l'élite, mais voilà, la porte est ouverte et il y a notre réaction, oui. J'aimerais aussi qu'il y a un jeu en fait d'intertextualité où on a bien souvent des opéras qui sont considérés comme étant plus en phase avec la réalité des gens. Oui. Et en refaisant ce genre de vidéo, finalement, on voit qu'il y a derrière des valeurs, des idées qui peuvent encore être transportées de nos jours. Et donc, inciter les jeunes à s'y retrouver et finalement aller voir un opéra et comprendre, amener à certaines pistes de réflexion pour comprendre l'opéra. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ou le contenu et le message ou sur la forme, l'esthétisme en fait, de cette vidéo? Je voudrais un peu revenir peut-être sur le choix de l'artiste en tant que tel. Communément, l'opéra, c'est pour l'élite, passez-moi le terme, blanche. Alors, je crois que en utilisant l'artiste qui est un homme noir, c'est pour amener aussi cette couche de population, parce que quand je vois la personne qui l'amène, il ressemble à un arabe, donc c'est pour dire que voilà, les blancs et les arabes désormais, en fait les noirs et les arabes désormais, vous pouvez rentrer dans l'opéra qui n'est plus exclusivement réservé à la race blanche, mais c'est pour l'humanité. Mais effectivement, sur cet aspect-là, qu'on appelle communément la diversité culturelle, Benjamin Millepied, l'une des critiques qu'il avait faites en arrivant à la direction artistique de l'opéra, c'était que, notamment en danse, les grands ballets classiques, le Lac des Cygnes, etc., n'avaient comme étoile en France, à l'Opéra de Paris, que ont été choisis pour ces rôles-là, en tout cas uniquement des personnes blanches. Parce que toutes sortes de raisons qui étaient sinon ça va casser l'harmonie, etc., etc. Et lui a choisi justement l'un des objectifs qui s'était fixé, c'était de changer ça et notamment de choisir des solistes de couleurs différentes pour montrer qu'en fait peu importe la couleur, c'était la qualité, la technique en fait de la danse et l'émotion artistique qui allait primer. Et ces choix-là qu'il a fait en fait d'inviter certains artistes plutôt que d'autres, c'est effectivement en condition de casser des codes aussi, d'associer des artistes qui traditionnellement ne sont pas nécessairement, que d'habitude on n'associe pas donc à certains arts en particulier. Abdelmalik, donc habituellement est plutôt associé donc au rap ou au slam ou à la limite parfois des collaborations plus hip-hop. Mais premièrement, on ne l'associe pas non plus à la réalisation d'un film. Or là, en fait, il n'est pas seulement sur le côté musical, mais aussi il est sur le côté en fait, production audiovisuelle et cinématographique. Donc l'idée de la troisième scène, c'est aussi de montrer que les frontières artistiques avec le numérique, elles sont renversées, que ça permet aussi aux artistes eux-mêmes de tester, d'explorer des voies d'expression qui ne sont pas seulement celles auxquelles ils sont traditionnellement associés. Donc ça permet un peu de sortir des frontières qu'on fait entre donc et les disciplines et qu'on fait aussi à l'intérieur ou entre les individus. Et effectivement, ce côté universalité que vous mentionniez, c'était aussi l'une des missions de communication en fait qui s'était fixée. Alors, effectivement, sur ce que vous releviez par rapport à la distinction ou le contraste entre, d'une part, ce message qu'on essaye de faire passer de accessibilité universelle, on casse les codes, c'est pour tout le monde, et après ça, la pièce, enfin plutôt la représentation en fait, opéra en particulier, ses codes et le genre de personnes qui vont quand même être dans la salle, la question se pose, mais c'est justement ça que vous voulez travailler, Benjamin Millepied, c'était de montrer aussi que c'est pas parce qu'une œuvre artistique a priori ne nous correspond pas, ne correspond pas à nos codes, qu'on n'a pas le droit d'aller la voir et qu'on ne peut pas essayer en fait. Et qu'on ne peut pas, en fait, peut-être vivre l'expérience et décider par soi-même si on y trouve un intérêt ou pas, malgré la distance sociale. Donc, en ce sens-là, en fait, l'expérience de la troisième scène, c'est... elle s'est arrêtée, en fait, avec le départ de Benjamin Millepied, qui, comme vous le savez, a démissionné et a été remplacé par quelqu'un de la maison. De l'Opéra de Paris, pardon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces tentatives-là, en fait, c'est vraiment dans la veine de ce que les entreprises culturelles essayent de faire aussi. Parce qu'il y a vraiment cette question de... à la fois, on a des images de marques fortes sur lesquelles on peut s'appuyer, mais à un moment donné, on arrive à des renouvellements de public. Et donc, se pose la question de comment est-ce qu'on va, embarquer nos nouveaux publics, comment on va essayer de prendre des virages d'images, peut-être, pour toucher les gens autrement et pour répondre à leur nouvelle consommation. Aussi de culture. Donc on va prendre une petite pause de 10 minutes. On va poursuivre après avec quelques autres enjeux rapides sur ce qu'expérimente une entreprise culturelle en particulier et un retour sur le texte que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Donc on prend 10 minutes. On prend un écart.